Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. On va reprendre juste après la session dernière avec une petite interlude qui se passera auprès de Torik. Torik qui, pour rappel, était absent la dernière fois. Et qui va donc avoir le droit à une petite scène durant l'introduction. Tu m'avais dit de ton côté, si je me souviens bien, que tu te rendais à l'orphelinat pour tenter de t'occuper de certains des enfants. C'est ça. Très bien. Tu t'es donc rendu à l'orphelinat comme tu en avais l'habitude, mais cette fois, en t'approchant de l'espèce de muraille de tôle qui l'entoure, tu remarques directement que quelque chose ne va pas. Ok. Certains enfants ont l'air aux aguets, et d'autres te font signe de revenir très rapidement. D'accord. Par ici, vite! Je suis en courant. Tu te précipites et il te laisse rentrer. C'est Dali. Elle s'est faite poignarder. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? On sait pas, il y a quelqu'un qui est rentré pendant la nuit. Et qui a pénétré dans l'espèce de trappe qui menait au sous-sol. Elle a dû tomber sur lui lorsqu'on est sorti et puis il l'a attaqué physiquement. Ok, elle est où? Elle est juste là, elle va bien, mais... Mais on savait pas quoi faire. Mais... On a peur qu'ils soient encore dans les parages. Il te dirige jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à une petite pièce, celle qui sert du coup un petit peu de dortoir et de bureau à Dali. Et tu la vois au milieu de plusieurs linges et bandages ensanglantés, allongée, en train de respirer assez fortement. Je m'approche d'elle pour la sculpter. Est-ce que tout va bien? J'ai dit aux enfants de ne pas sortir, c'était trop risqué. Mais c'est plus à moi de te demander si tu vas bien. Ça va, je pense pas que la blessure soit vraiment mortelle. Les organes n'ont pas l'air d'avoir été touchés. Laisse-moi regarder. J'aurais pu me vider de mon sang, mais finalement, les enseignements qu'on a fait au petit m'ont probablement sauvé la vie. Écoute, laisse-moi regarder. Tu jettes un coup d'œil et tu remarques qu'en effet... Aucune zone sensible n'a été touchée. Et que bel et bien, l'hémorragie a été stoppée avec les bandages de forte bonne facture qui ont été faits. Ok. Est-ce que tu as vu ton agresseur? Est-ce que tu sais à quoi il ressemble ou... Honnêtement, il faisait nuit. J'ai pas pu l'observer distinctement. Je sais, il avait pas l'air d'avoir énormément de force. Je dirais qu'il était probablement assez âgé et vaguement, j'ai l'impression, lorsqu'il est parti, d'avoir vu de longs cheveux blancs s'étendre derrière lui. De longs cheveux blancs. Écoute, je vais aller faire un tour pour voir si jamais je vois quelque chose. De toute façon, je vais te dire, bouge pas. Tu peux pas bouger, mais t'inquiète pas, je vais aller faire un tour. On sait jamais s'il est toujours là. Merci. Tu jettes un coup d'œil dans les environs. Tu fais le tour plusieurs fois. Mmh. Et déjà, tu notes un truc en particulier, c'est qu'il ne semble pas y avoir de traces d'intrusion. Il n'y a pas de brèche dans les défenses de l'orphelinat, la personne semblait donc avoir au moins un double des clés. À savoir si est-ce que c'est quelqu'un qui lui a ouvert, est-ce qu'il est rentré par lui-même, est-ce qu'il l'avait d'avant. Et tu ne remarques personne non plus, aucun signe de vie. La personne semble être partie comme elle est arrivée. Ok. Du côté des enfants, tout le monde semble aller bien, personne n'a rien vu, personne ne s'est fait blesser ni quoi que ce soit. Alors dans ce cas-là, je vais aller voir les enfants. Alors je sais que certains d'entre eux étaient plutôt doués pour surveiller et voire dénoncer les camarades qui foutaient qui faisaient des bêtises. Du coup, je vais aller sensiblement vers eux et leur demander d'être attentifs si jamais voilà, ils voyaient quelque chose ou ils notaient un truc qui serait inhabituel, qui viennent tout de suite nous en parler, enfin m'en parler, puisque pour l'instant je suis le seul présent, et que il va falloir être très très vigilant si jamais cette personne doit revenir, et je vais en profiter si je l'ai pas déjà fait pour justement aller dans cet endroit où en sous-sol là pour voir ce qu'il en est, parce que c'est là a priori qu'elle a dû se faire attaquer, je crois. En effet, tu vois quelques traces de sang qui semblent t'indiquer que c'est là que l'agression a eu lieu. Du coup, je vais vas-y. Je vais me diriger vers cet endroit parce que c'est vrai que j'y suis jamais allé depuis le début. Ça avait l'air d'être un peu une zone pas interdite, mais bon, un peu cachée. Donc je vais en profiter et je vais aller jeter un œil à ce qu'il y a pour voir ce qu'il y a dans cette pièce. Ok, très bien. En effet, c'était une zone un petit peu à part, vous n'y étiez jamais allé auparavant. Mmh. Puisqu'elle était condamnée. Mais tu remarques cette fois que le grand cadenas que Flux n'avait pas réussi à crocheter la première fois, qui condamne l'entrée, est actuellement fermé. Est actuellement, pardon, brisé, du coup. Oui, parce que... oui. Eh ben, je vais y aller, alors, du coup. Ok. Tu t'en approches, et tu commences à descendre une à une les vieilles marches en bois qui mène jusqu'au sous-sol de l'orphelinat. Mmh. Tu suis les quelques gouttelettes de sang qui est probablement celui de Dali lorsqu'elle a été blessée. Et tu arrives dans une espèce de grande pièce plongée dans le noir. Légèrement éclairée par la lumière du dehors, tu entreaperçois des tables sur lesquelles semblent être posées des choses que tu n'arrives pas à reconnaître. Tu vois quand même une bougie et un briquet. J'imagine que tu décides de t'éclairer. Effectivement. Très bien. Tu allumes la fameuse bougie et d'un seul coup, la pièce s'illumine. Le reflet un petit peu orange de la flamme se réfléchit sur différents types de textures, notamment du verre. Et devant toi se dévoile un véritable cabinet des horreurs. En effet, tu aperçois plusieurs membres amputés, déposés ici et là. Mais également au niveau d'une table, une espèce de table chirurgicale, le cadavre d'une femme allongée, accrochée dessus, avec des stigmates franchéens sur le torse. Tu t'approches et tu découvres qu'on lui a ouvert la paroi abdominale pour en retirer différents organes, les viscères et une partie des intestins. Et que ces derniers ont été éparpillés dans des bols qui ont été posés un petit peu partout autour. Je vais essayer de... j'ai pas le matériel vraiment, mais comme ça, au juger un peu, voir à peu près ça fait combien de temps qu'elle est morte, cette femme. Ça a l'air de faire un moment. Et surtout, tu remarques que son humanité, elle, a l'air d'être perdue depuis encore plus longtemps, puisqu'elle représente tous les signes distincts, qu'il s'agit là plutôt d'une léprose. Donc même d'un faux bourdon, donc ces espèces du coup d'humains esclaves dans les marais à la botte des Homo degenesis. Ouais. Autour, tu découvres d'ailleurs des têtes, de léproses également, en train de flotter dans une espèce de liquide étrange, également dans des récipients en verre. Des tables avec différents muscles exposés, des mâchoires humaines qui ont été également posées. Ici et là. Et ce qui semble être un petit peu des plans et notes anatomiques. Je vais les consulter. Tu les consultes. Tu vois rien de particulier, en tout cas, enfin, rien, on va dire, de révolutionnaire dans ces derniers. Oui, en fait, il devait visiblement y en avoir plus avant. Ouais. Tu vois des traces de poussière. Mais semble-t-il, ont-ils été emportés, justement, probablement la nuit dernière. Malheureusement, vous arrivez, enfin, tu arrives trop tard. En gros, c'est des descriptifs d'autopsie ou des trucs comme ça. Enfin, ça fait un peu, ça s'apparente un peu à ce genre de choses, j'imagine. C'est exactement ça, oui. Comme un rapport. À peu près. Et donc, bah, quelque part, je fais un peu le rapprochement avec. L'ancien responsable de l'orphelinat, qui, de ce que j'avais un peu remarqué, était assez sensible à notre profession, enfin à ma profession, on va dire. Mmh. Donc, je me dis que... Il a tenté des choses, il a fait des choses. Enfin. Bon, après, sur des lépros, c'est quand même. Enfin. Surprenant. En plus, et comment il s'est débrouillé pour les avoir, c'est surtout ça aussi, parce que ça court pas les rues non plus. Hein, faut pas se leurrer. Je continue quand même à regarder, faire un tour de la pièce, voir s'il n'y a pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Enfin, mis à part, bien sûr, ce qu'il y a là, mais il y a quelque chose en plus. Ok. Tu regardes autour et tu découvres des scalpels, des torchons ensanglantés, d'autres morceaux de corps et de muscles qui se développe dans des bocaux. Et plusieurs étagères vides, qui ont été vidées en tout cas. Pareil, à la trace de poussière, tu réalises que des choses ont été enlevées. Ouais. Et tu vois également, dans le fond de la pièce, une cage. une petite cage. Trop petite pour enfermer un être humain. Mais ça te saute assez vite aux yeux. Suffisamment grande pour enfermer un enfant, par exemple. Oh putain. Mais pareil, vide. Est-ce qu'il y a des traces comme quoi il y en a eu un à un moment donné? Ou c'est... Elle est vraiment vide, vide. Tout semble vide, vide, mais plutôt vide de type ça aurait été nettoyé. Plus que forcément jamais utilisé. D'accord, ok. L'endroit même en général est finalement assez clean. Tout le matériel, comme dit, un peu ensanglanté ou autre, tout taché, a été méthodiquement déposé dans des endroits appropriés. Oui, d'accord. Pour éviter tout signe de contamination, c'est le genre de choses que toi-même tu fais au hospital, par exemple, lors d'une opération. Oui, c'est genre, il va être nettoyé plus tard. Enfin, il aurait dû être nettoyé plus tard, mais... Exactement. Ok. Effectivement, c'est quand même assez inquiétant, mine de rien. Parce que j'ai envie, si la personne l'avait fait, entre guillemets, hein, sur des êtres humains classiques, j'aurais pu penser que la personne voulait apprendre l'anatomie humaine ou apprendre la médecine quelque part. Mais là, sur des lépros, c'est pas anodin, quoi. D'accord. Bah je vais remonter et je vais faire en sorte de trouver quelque chose pour fermer cette porte. Un autre cadenas ou quelque chose pour vraiment la fermer. Parce que ce serait quand même... je voudrais pas que les enfants... à aller traîner là-bas si jamais il y a des petits fouineurs ou quoi. Malheureusement, tu ne trouves rien d'autre, mais tu sais que tu peux assez rapidement faire un tour sur le marché pour acheter un cadenas, notamment chez les ferrailleurs. Ouais. En attendant, tu refermes simplement en donnant l'ordre à ce que l'endroit ne soit pas visité. Ouais. Mais il faudra en effet acheter un petit cadenas à l'occasion. D'accord. Écoutez, j'en reparlerai avec les autres quand ils rentreront. Et en effet, nous allons pouvoir participer à cette rencontre. En réalité, là, en ce moment même, les autres sont occupés, mais vous allez vous retrouver le lendemain matin, qui est une journée assez importante, notamment pour Jacquard, puisqu'il a rendez-vous à Saint-Chenil avec les habitants de la ville. Nous allons passer au lendemain matin. Le groupe avait donc décidé la dernière fois, pour rappel, partir en voyage incessamment sous peu, mais vous aviez encore certaines choses à régler avant en ville. Vous aviez globalement aussi passé la session dernière à vous occuper de Lilith. Oui, et on avait rencontré surtout... Les ferrailles. La confrérie. Non, les frères de l'acier. Eh bien, très bien, parfait. Plus qu'on avait... Alors, on nous avait passé leur machine imprimée, des lettres de change, et il me semble que c'était la raison pour laquelle on devait partir en voyage, je ne sais plus. Enfin, voilà. Vous vous retrouvez le voyage le lendemain matin. On avait un président des États-Unis à rencontrer sur le chemin. C'est ça, en fait, le voyage ne sert pas qu'à ça, mais on va faire un petit détour pour aller voir Eisenhower. Ouais, Eisenhower, voilà. Très bien. Vous vous retrouvez donc au niveau de la sacristie rouge, vous préparez quelques affaires. Et Jacquard, toi, là, on est assez tôt le matin. Tu te mets notamment sur ton 31. Est-ce que tu te habilles en costume de juge ou pas pour ta... Oui, je pense, du coup. Oui. Et je vais aller réveiller quelqu'un. Très bien. Qui vas-tu réveiller ? Lilith. Je vais la réveiller, tout simplement. Tu la réveilles. En route. Tu vois qu'elle se frotte les yeux, elle commence à bâiller grandement. Elle est pas du matin. En route, pourquoi ? Ce qu'on avait parlé hier. Ah oui, bien sûr. Saint-Chenil. D'un seul coup, elle saute du lit, récupère ses quelques affaires à côté, et du coup, part se changer. Pendant ce temps-là, du coup, le temps qu'elle passe de pyjama à tenue de jour, tu retrouves les autres dans la pièce principale. Et vous entendez toquer à la porte de Saint-Chenil, de la sacristie. Ah, vu qu'on est levé, du coup, j'imagine qu'on va aller voir avant. Du coup, on va aller voir qui va toquer. Enfin, qui est... On va aller à leur rencontre. Tu ouvres et tu vois un jeune homme. Je ne saurais pas trop dire quel âge il a. Assez mince. Avec des cheveux blonds, qui est assez mal habillé, tu dois bien l'avouer, qui te dit peut-être d'ailleurs quelque chose, peut-être que tu l'avais croisé un peu dans les égouts et un peu l'underground de la ville, et qui te dit « Bonjour, j'ai été envoyé par le roi des gueux pour rencontrer le chroniqueur. J'aurai quelques questions à lui poser, et s'il répond correctement, j'ai pour ordre de l'escorter jusqu'au roi. » Eh bien, je crois qu'il dort encore ou qu'il est en train de travailler. Je vais aller vous le chercher tout de suite. Je vous remercie. Bon, il attend. Réveille-toi, Flux, réveille-toi. tu portes ton masque même quand tu dors? Oui, évidemment. Qu'est-ce que ça, c'est pourquoi tu me réveilles? Oui, je t'avais parlé du roi des gueux. Oui, possible. Resitue-moi. Bien, apparemment, il y a quelqu'un qui maîtrise les égouts de cette ville et qui a à ses ordres, mais pas de façon autoritaire, comment dire, par le consentement, tous les sans-abri de cette ville. Et il veut te rencontrer. Je pense que... Ce serait très pratique dans notre œuvre si jamais on pouvait avoir son soutien. Très bien, très bien. Après tout, s'il est apprécié, il peut me plaire. Vas-y, emmène-moi. Ah bah, la porte, j'imagine. Tu vois le garçon qui attendait, qui dit « Ah, bien le bonjour. Je me présente, je suis Elias, l'un des miséreux de cette ville, et j'ai été envoyé par le roi des gueux. J'ai quelques questions à vous poser, et si jamais vous répondez correctement, j'ai pour ordre de vous accompagner jusqu'à ce dernier. » Très bien. Le roi des gueux a entendu parler de vous, chroniqueur. Soi-disant, vous vous occuperiez des personnes dans le besoin à Toulon. Il est vrai, oui. Pardon ? Il est vrai. Ah, très bien. Eh bien, je vous propose de répondre à ces fameuses questions. Vous savez quoi ? Suivez-moi, nous allons faire un petit tour du quartier. Et en fonction de vos réponses, je m'orienterai dans le bon ou le mauvais chemin sans vous le dire, et vous verrez à peu près à la fin ce qu'il en est. Eh bien, avec grand plaisir, je vous suis. Tu vois qu'il cherche un peu dans sa mémoire, comme pour se remémorer les questions que le roi lui a données. Et il te dit « Très bien. Pour commencer, le roi aimerait savoir pour qui vous travaillez. Travaillez-vous pour les chroniqueurs ? Vous-même ? La résistance ? Non, je travaille pour ceux qui en ont besoin. J'ai été renié de... Voilà. J'aime pas trop en parler, mais quoi qu'il en soit, je ne travaille que pour moi-même, et donc moi-même est au service de ceux qui en ont besoin. On dit que les chroniqueurs sont des manipulateurs. Mais à vrai dire, le roi des gueux n'en a pas rencontré énormément. Est-ce que vous confirmez cela ? Est-ce que vous montrez clément vers la population pour mieux les manipuler ensuite ? Encore une fois, je suis chroniqueur, mais je ne suis plus lié à eux. Je ne dirais pas qu'ils sont manipulateurs, je dirais qu'ils savent arriver à leur fin, et effectivement, parfois en abusant de la gentillesse de certains, mais ce n'est pas du tout mon intention ici, et je pense que je pourrais vous renseigner, mais j'avais à la justicienne, là où j'étais auparavant, la même habitude d'aider ceux qui étaient dans le besoin, sans que cela fasse partie de ma mission auprès des chroniqueurs. À ce moment-là, tu vois que Elia se t'emmène vers le marché, notamment des quartiers du coup de Port-Lagagne. Très bien. Le roi des gueux voulait vous mettre face à un dilemme. C'est comme un petit jeu de mise en scène, disons. Imaginez que vous arrivez dans un village et que vous remarquez que la population qui s'y trouve est infectée par la morse. Contactez-vous les hospitaliers pour qu'ils détruisent le village ou laissez-vous le village en paix ? Pensez-vous qu'il est préférable de sacrifier une ville parce qu'elle est contaminée par la morse ou quelconque autre épidémie pour le bien commun, ou pensez-vous qu'il vaut mieux prendre le risque que cette épidémie ne contamine l'intégralité d'un pays ? Écoutez, je pense que ma position à l'heure actuelle à Saint-Chenil donne déjà une idée de ma réponse. J'aimerais vous l'entendre dire explicitement. Eh bien, je pense qu'il est important de se battre pour la dignité de ceux qui n'en ont plus, et par conséquent que à moins d'une extrême nécessité, je fais vivre ce village. Mmh. Très bien. À ce moment-là, tu le vois qu'il tourne à gauche, et tu le suis. Nouvelle question. Hamza vient vous voir et vous promet de sauver et de loger et de nourrir 10 miséreux si vous en dénoncez un autre. Cette fois, ce sont la majorité qui ont besoin de vous. Êtes-vous prêt à sacrifier une minorité pour sauver une majorité ? La question est bien plus complexe qu'il n'y paraît. N'ai-je pas le droit de détails, par exemple, sur la personne dénoncée ? Y a-t-il... Eh bien, disons qu'elle est... Chose à prendre en compte ? Disons qu'il s'agit d'un vieillard et que les 10 autres personnes mourant de faim sont des enfants. Je vois un peu où vous voulez en venir. Puis-je répondre totalement honnêtement ? C'est ce que je vous demande depuis le début. Ne le faisiez-vous pas ? Si, je veux dire, puis-je me permettre de fournir une réponse qui est autre que réponse A ou réponse B ? Oui, bien sûr. Ah, et bien dans ce cas-là, je ferai en sorte que les 10 enfants arrivent à obtenir l'aide de Hamza, prétextant de accorder sa requête, tout en faisant en sorte que finalement le vieillard ne lui arrive rien et que finalement ce soit 11 personnes qui soient en sécurité. Je vois. Vous préférez donc ne pas prendre le risque de trancher sur vos réponses. Ce n'est pas une question de trancher, c'est une question que pour y être déjà confronté, lorsque je peux, je préfère me moquer des puissants pour aider ceux qui en ont besoin. À ce moment-là, tu vois que devant vous, au détour d'un virage, apparaît la sacristie rouge. Vous semblez être revenu au point de départ. Très bien. Le roi des gueux vous attend au niveau de la jetée. Vous pouvez y aller, mais je vous recommande de prendre vos petits amis avec vous. Malheureusement, il s'avère que certains gangs sévissent dans les parages. La digue est l'extrême le plus lointain de Serchenil. Probablement l'endroit le plus pauvre de toute la ville, puisque c'est là que décident de se jeter les gens qui sont définitivement tombés trop bas. Bien. Eh bien, je vous remercie. Vous pouvez me rappeler votre prénom une dernière fois, s'il vous plaît ? Elias. Oh, j'avais bien noté. Bon, bah, merci, Elias. Mais de rien. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tu vois la porte qui s'ouvre et Jacquard et Lilith apparaître. Tandis que d'ailleurs, vous êtes rejoint par Torik. Et j'imagine que du coup, Lito se mènera à la petite foule qui est en train de se créer juste devant la sacristie, profitant du vent chaud de l'été méditerranéen. Que faites-vous ? Je vais peut-être légèrement retarder mon départ, puisque après tout, de souvenir, j'avais donné un rendez-vous pas non plus si tôt que ça. Et je vais voir notamment ce que vont dire les autres avant d'y aller, tout ça. Voilà, histoire de savoir ce qui se passe quand même. Voilà. Moi, je vais tout de suite prévenir vis-à-vis de la rencontre possible avec le roi des gueux et que ceux qui veulent m'accompagner sont les bienvenus, sinon, j'ai aucun souci d'y aller seul. C'est comme vous voulez. Question, est-ce que j'ai déjà parlé de Dali ou pas ? De ce qui s'est passé ou pas du tout ? Du coup, non, je pars du principe que non. Parce que moi, en fait, j'arrive, mais j'étais pas dans la sacristie. Moi, j'arrive de l'extérieur. Oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, t'arrives, oui. De l'orage. Vous voyez arriver un peu essoufflé, un peu en nage, parce que j'ai un peu couru. Lito ? Oui, Torik ? Il s'est passé quelque chose à l'orphelinat. Dali a été blessé. Poignardé, même. Non, ça va. Les enfants ont réussi à la soigner. Je dois dire que j'ai été le premier surpris de voir que les soins ont été effectués de avec une bonne qualité de soins. Mais donc elle s'en tirera avec une blessure tout à fait légère. Mais ce qui m'inquiète, c'est que elle a été attaquée à l'intérieur. De l'orphelinat et... Qui a bien pu faire ça ? Eh bien, justement, on ne sait pas trop. Elle a parlé de quelqu'un qui serait âgé, qui aurait des cheveux blancs, de longs cheveux blancs, et qui se serait enfui, mais... Et du coup, j'ai fait un petit tour dans l'orphelinat et je suis allé, du coup, dans cette pièce où on n'avait pas pu aller à cause du gros cadenas et celui-ci était fracturé et en fait c'était un laboratoire, un lieu de torture, enfin la personne qui a utilisé cet endroit s'en servait pour disséquer, analyser mais des lépros. L'ancien maître des lieux, il avait les cheveux blancs ou non ? Non, pas du tout. Il est aveugle surtout maintenant. Mais il faut le retrouver absolument. Je crois qu'on l'a croisé quelquefois. Enfin, peut-être moi, je ne sais plus qui, mais si je me souviens bien, son nom était Son la nom grenouille était... Opis. Opis, exactement. Ah, quoi qu'il en soit, cette personne, a priori, cherchait à aller à récupérer quelque chose dans cette pièce, puisque Dali a été attaqué en train de, enfin, au moment où elle rentrait à l'intérieur. Et a priori, la personne est partie avec des choses qui étaient dans cette pièce. Allez parler à Otis, on va pas raiser, hein, il est toujours sous mon aile. Ce sera très facile de le retrouver. Il est toujours à côté. Cependant, j'aimerais que quoi qu'il arrive, on évite de lui faire du mal. Il est déjà bien en train de souffrir d'avoir les yeux en moins et d'être un pauvre miséreux. Donc, je pense que juste aller interroger suffit. Nous l'interrogerons. S'il est responsable, il aura droit à un jugement. Il n'est pas question de faire des exécutions gratuites. Oui. Justice sera rendue. Puis vous savez, Guito, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Je me doute bien de quel côté vous êtes. Bah, quoi qu'il en soit, je pense que... Enfin, je pense pas que ce soit lui. Il ne fera rien à l'heure actuelle, hein, vous savez. Oui, non, mais je pense pas... Elle avait l'air de dire que c'était une personne âgée... assez frêle et de souvenir, il était loin d'être cela, même si c'était un vieux bougre. Ce n'est pas non plus une faible personne. Donc, non, et puis il a pas de yeux. Donc réellement, je pense qu'il aurait eu du mal à faire un quelconque assaut. Elle s'est fait attaquer par surprise. Hein. Elle rentrait à l'intérieur de la pièce. Et la personne sortait, donc elle a été surprise. Ce qui, je pense... à faciliter les choses. Dali, je pense, était apte à pouvoir maîtriser une personne si elle se voyait face à face. Ok, très bien. Que faites-vous ? Eh bien, dans mon cas, j'apprécierais qu'au moins moi et Torik, nous allions voir Opis. Après, ça dépend dans... Si d'autres veulent se joindre à nous, dans quel ordre on fait les choses, si du coup on se joint ensemble. Malheureusement, j'ai autre chose à faire dans le quartier. Je vais le faire et je verrai ce que ça va faire ensuite. En tout cas, je vous propose de se retrouver vers midi à la place centrale de Saint-Chenil. Pour voir si jamais c'est possible qu'on puisse travailler ensemble ou quoi, si on a du nouveau de notre côté ou quoi. Ok. Alors, écoutez, allons-y. Je ne sais pas si tu fais quoi, toi, Flux. Ah, mais moi, je viens. Je ne voulais pas. Surveille Opis qui reste quand même sous ma surveillance. Le roi attendra. Le roi attendra. À ce que je sache, il ne m'a pas dit de venir immédiatement. Oui. Ou alors j'ai pas compris, hein, mais moi j'ai juste noté que je devais le retrouver. Mais t'as dit qu'il allait t'attendre sur la digue. Ah oui, genre en mode il m'attend, on m'attend, c'est ça ? C'est juste dit pas... ça. Après. Bon, je peux être là le temps qu'ils interrogent Opis et que je vérifie qu'ils fassent pas de mal. Oui, honnêtement. Et y aller après. C'est ça, a priori. Si vous y pas, il m'a dit d'amener mes copains en plus. Grand chose. Voilà, il m'a dit d'amener mes copains, donc on y va, on fait Opis et après on va aller. Allons voir Opis. Ok. Vous dirigez et une fois que vous trouvez au niveau cette fois-ci, hop là, au niveau de Sacré à Miel, vous naviguez parmi les miséreux jusqu'à tomber sur Opis. Vous le voyez dans un coin. Ses yeux semblent s'être infectés récemment. Et il est là, la tête contre une brique. Un peu à gémir et... et à tâter un peu au niveau du sol en essayant de chercher des miettes qui portent à sa bouche. Bah, je me rapproche de lui. Et distinctement pour avoir... Vas-y. Opis. Il lève légèrement la tête comme s'il pouvait te voir malgré ses yeux. Et dit... Qui voudrait-il donc aller voir ce vieil Opis que tout le monde semble avoir oublié? C'est Auric, l'hospitalier. Qu'est-ce qui vous mène ici, hospitalier? Déjà, laisse-moi voir tes yeux. Ils ont l'air d'être vraiment dans un mauvais état. Il me brûle. Je m'approche et je commence à ausculter les... yeux. Je regarde de voir qu'en effet, il faut malheureusement repercer un petit peu la plaie et simplement après tenter de désinfecter tout ça. Je ferai mander quelqu'un pour qu'il vienne s'occuper de toi. Je me doute que tu seras pas en état d'aller toi-même jusqu'à l'orage. Qu'est-ce Donc, que vous allez faire, me redonner la vue? Ah, ça, malheureusement, nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais au moins, faire en sorte que ça ne s'aggrave pas et que ce soit pire, même la mort. Une septicémie ou ce genre de choses peut vite t'emporter. Enfin, quoi qu'il en soit... Nous avons besoin de se poser quelques questions par rapport à une pièce, en particulier dans l'orphelinat. Je pense que tu sais de quelle pièce on parle. Il se met un peu à sourire quand tu lui poses la question et il dit « J'ai ma petite idée. » Est-ce que c'est toi qui... a fait ce qu'il y a à, enfin, ce qu'il y a à l'intérieur? Ou y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est moi. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui t'accompagnait pendant que tu faisais cela? Personne n'a jamais accompagné Opis. J'ai toujours été tout seul. Et si Même je te ma dis... mère m'a abandonné. Les hospitaliers m'ont refusé parmi les leurs. Tout comme mes camarades Toulonis. Et aujourd'hui, on m'a rejeté. Et je me retrouve là, abandonné. Moi qui n'ai jamais demandé autre chose que d'être aimé. Et d'être un père pour ses enfants. Peut-être pas le meilleur des pères possibles. Mais je n'étais que le reflet que... du monde dans lequel j'avais moi-même grandi. Est-ce que tu crois qu'un père enfermerait son enfant dans une cage? C'est vrai, j'avoue. Qu'est-ce que vous avez les faire? J'ai déjà tout perdu. Il semblerait que quelqu'un s'intéressait à tes travaux, puisque hier soir... L'une des personnes qui a pris ta suite, la suite de ton travail, s'est fait attaquer. Et une partie de ton travail a été volée. Cette personne, a priori, selon les dires de la personne agressée, serait assez âgée, assez frêle et aurait les cheveux blancs et longs. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Rien du tout, probablement un fouineur qui a dû vouloir récupérer les quelques affaires que j'aurais pu laisser là-bas. Oui, enfin, il n'a pas pris n'importe quoi. C'était... Et je pense que ce n'est pas forcément des choses de valeur. Ce sont des notes, sur ce que tu as écrit. D'ailleurs, à l'occasion, j'aimerais que tu me parles de ça, car disséquer des lépros, c'est... ce n'est pas trop conseillé. Surtout pour nous. Ouais, c'est étrange en effet, mais je n'ai pas les réponses à vos questions. Je vais te... Quelqu'un d'autre va te parler. Je te laisse avec mes camarades. Je laisse ma place. Je vais me rapprocher, je vais me mettre un peu à la hauteur de Opis, du coup. Et je vais lui dire « Salutations, Opis. Nous ne nous connaissons pas, il me semble. » Votre voix ne m'est pas familière. Je dirige maintenant la sacristie rouge. La personne qui a été blessée est une des miennes. J'aimerais savoir... N'as-tu rien à nous dire ou refuses-tu de nous dire quoi que ce soit? Je sais que des gens portant ma marque t'ont maltraité il y a quelque temps. Je te demande simplement d'être honnête vis-à-vis de ça. Tu vas me faire un petit test. Un test. Hop là. Je vais juste retrouver la petite fiche de Lito que j'avais épinglée. Parfait. Un test de charisme, négociation. Mm-hmm. Sur lequel tu as, on va dire, 6D. Ok. Ce sera seulement une seule réussite qui est un déclencheur. Non, vraiment, je vois pas de quoi vous parler. Maintenant, c'est que je commence à avoir faim, alors si vous avez d'autres questions à me poser, j'aimerais bien déguster un de ces délicieux fruits qu'ils exposent sur le marché à court argent. J'irai pas un mot de plus tant que je sentirai pas le jus... d'une ananas ou d'une clémentine coulée dans ma gorge. Et tu auras des choses à dire ? Ça dépend des questions que vous avez à poser. Très bien, alors tu auras ton petit plaisir. Qu'est-ce que vous faites ? J'acquiesce, moi. Bah, écoute, je vais me diriger vers le, enfin, un endroit où je peux acheter ce genre de produits et je reviens assez rapidement. Okay. Tu fais l'aller-retour et tu reviens peut-être au bout d'une heure, un peu plus d'une heure après. Je vais te déduire quelques lettres de change, enfin quelques dinars pendant ta fiche de personnage. Oui, bah, vas-y. Je lance le fruit à Lito. Ça t'a coûté 15 dinars. Ouais, bon, intérêt à causer, hein. Ok. Et bien, du coup, une fois que j'ai l'ananas... C'est un ananas, c'est ça? Ou c'est un... J'ai pas entendu quel fruit. Okay. Bah, je vais, je pense, utiliser la lame qu'il y a dans ma manche, vu que il me semble que tous les anabaptistes ont ça. Mm-hmm. C'était seulement Mokoche qui l'avait changé pour un petit tatouage. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, c'est commun à tous les espadons anabaptistes. D'accord, très bien. J'étais plus sûr de ça. Donc je vais utiliser ça et je vais simplement, genre, tailler l'ananas pour en faire une première petite bouchée et lui tendre, tendre à Opis. Tu vois qu'il déguste et qu'il prend énormément de plaisir à le déguster, ce fruit. Vous devriez venir me poser des questions plus souvent. Nos portes sont toujours ouvertes aux âmes perdues. Bon, vous avez d'autres questions, du coup ? Tu n'as aucune idée de qui pourrait être au courant de tes recherches ? Non, vraiment, personne. J'ai toujours été très seul. Et je vous dis, ça doit être un événement isolé. Qui avait les clés ? Ton cadenas. Moi ? Mais j'avais aussi un double que j'ai perdu en ville il y a quelques semaines. Quelqu'un a simplement dû le ramasser. Je vais donner un autre morceau d'ananas. T'as dit quoi ? Continue. Je vais donner un autre morceau de du fruit. Je vois qu'il mange. Est-ce que Verikan, par exemple, n'était au courant de rien ? Non, il était au courant de rien. Il n'a jamais mis les pieds dans l'orphelinat. Quel idiot celui-là. Je vais tourner un peu la tête vers les autres sans rien dire. A priori, j'ai pas spécialement de piste en tête, mais... Je vais... juste me mettre à niveau comme tout le monde, parce que c'est quand même plus simple pour parler, sans avoir l'impression d'essayer un truc de domination étrange. Et juste demander... Qu'as-tu fait des dinars que je t'ai passés ? Quand ça ? Ma mémoire est bonne. S'il n'y a pas eu d'ellipse que je n'ai pas compris, c'était hier. Enfin, s'il y a une ellipse que je n'ai pas compris, je demande quand même au MJ avant. On est bien le lendemain. Ou pas. Vous savez, on donne régulièrement des dinars ici. C'est de toute façon la seule chose qu'on peut faire avec moi, avec n'importe quel mendiant. Je me suis acheté bien à manger. Sûr. Enfin, je les ai donnés à d'autres mendiants pour qu'ils aillent m'acheter à en manger, en priant pour qu'ils essayent pas de me doubler au passage. Il paraît que les prix sur la viande a monté. Si vous voulez bien me confirmer ça à l'occasion, je serai en qui je peux avoir confiance. Très bien. J'irai vérifier les prix de la viande. Tu l'aurais perdu où, cette clé ? Tu serais à peu près dans quel secteur ? Là où je me suis fait agresser, vers Sacré Amiel. Tu t'es fait agresser ? À votre avis, qu'est-ce qui m'a fait ça ? Et là, tu vois qu'il pointe son visage. Est-ce que tu peux nous décrire les agresseurs ? Ils étaient jeunes. Trop jeunes. Ça, c'est qui ? C'est... Tu les connaissais ? Ou pas du tout ? J'ai plus envie de répondre à vos questions. Je regarde Lito. Écoutez, 13 dinars. 15 dinars. 15, pardon. Encore pire. Poiré. Je vais finalement lui donner tout ce qui reste de l'ananas, hein, tout le fruit en entier. Le placer entre les mains et je vais simplement dire tu sais, c'est ta dernière chance de faire preuve de bonne volonté. Et si nous apprenons d'une manière ou d'une autre que tu es en lien avec ce qui arrive à mes ouailles, alors la justice devrait être faite. Et cette fois-ci sans réserve. Allez vous faire foutre. Et il crache par terre. Un des morceaux d'ananas que tu lui avais donné juste avant. Qui est d'ailleurs aussitôt ramassé par un autre type juste à côté qui le mange instantanément. Je me levais et je m'éloignais. Ouais, note à moi-même, il va se faire foutre pour les soins. Voilà. Bon, est-ce que vous pensez que il sait quelque chose ou pas? Clairement, il nous a pas dit tout ce qu'il savait. Enfin, en mon sens, il a clairement, genre, juste pas envie de nous parler. Mais... Tout à fait, mais je pense que c'est quand même faisable. Ça remet un peu de patience. Pour être honnête, hein, je pense que c'est un être humain exécrable, mais... On pourra quand même, je pense, obtenir des informations, enfin celles qu'on souhaite, avec un peu de temps et de tendresse. Je vais quand même pas. Nous n'avons pas le temps. Oui. Le sang coule. Ah oui, faire couler le sang, je suis pas sûr que ça servira à grand chose. Hein. Ah, je ne dis pas que nous devons couler le sang, mais tant qu'on attend, il y en aura. J'entends, mais vous l'avez menacé, c'est pour ça que je préfère indiquer que je suis pas sûr que ça servirait à grand chose de vraiment s'en prendre à lui. Là, quoi qu'il en soit, je vais devoir en parler à mes camarades hospitaliers et je pense que l'un des miens viendra récupérer l'ensemble des choses qui sont dans le sous-sol afin d'analyser un peu mieux ce qu'il en est. On a quand même affaire à des lépros, donc il faut faire attention. Très bien. Pendant ce temps-là, Jacquard, est-ce que tu étais avec eux ou est-ce que tu t'es directement rendu sur la place? Eh bien, non. Effectivement, quand même, je préférais, donc, au bout d'un moment, se séparer... Enfin, Jacquard a préféré se séparer, du coup, du groupe... Et rejoint la place centrale de Saint-Chenil. En t'y rendant, tu découvres avec une certaine satisfaction un peu plus d'une dizaine de personnes réunies qui semblent attendre l'événement et d'autres silhouettes au loin qui guettent, soit à travers certaines ruines, des gens qui peut-être hésitent encore ou en tout cas étaient curieux de venir mais ne voulaient pas forcément se mettre au premier rang. C'est quoi le profil de ces personnes? Est-ce que c'est des va-nu-pieds, des sans-abri? En effet, des gens qui sont habillés. Des miséreux, des malades, des ferrailleurs estropiés ou qui ont dû être blessés sur les chantiers. Ce genre de gars. Donc certains sont très maigres à cause de la faim, d'autres tiennent à peine debout à cause de la maladie qui semble les ronger. Et les derniers sont relativement forts et musclés, mais vont avoir une jambe ou un bras en moins. Il y a quelques personnes qui pourraient avoir aussi un profil un peu plus classique, entre guillemets, qui semblent vivre à Saint-Chenil également, ou en tout cas qui en ont entendu parler. Tu pourrais vaguement reconnaître aussi peut-être la silhouette d'un apocalyptique que tu as peut-être déjà croisé en ville. Dieu sait ce qu'il fait là. Jacquard. D'accord. Jacquard, accompagné de Lilith, va se rapprocher de cet petit attroupement. Et une fois qu'il va être assez proche, il va aller en ligne. Au début, tu en vois certains qui rigolent un peu. Je vais quand même te demander un test de charisme. Charisme commandement. Compétence dans laquelle tu as... charisme leadership, pardon. Dans la compétence dans laquelle tu as 4D. Et je vais t'en donner un cinquième bonus pour l'uniforme. Trois réussites, dont deux réussites critiques. Oh, deux déclencheurs, parfait, très bien. Deux déclencheurs, pardon, ok. Okay. Joli score, t'avais pas récupéré tous tes points d'ego, donc tu t'en sors plutôt bien sans en avoir dépensé. Ce qui était compréhensible. Il te reste que 7 points sur 10. Et du coup, tu t'exclames. Tu tapes même peut-être un petit peu du pied. T'as en tout cas une attitude qui semble quand même en convaincre certains. On va dire sur les sur la douzaine qui se trouvait devant, il y en a peut-être 5-6 qui s'exécutent, hein, l'air un peu intrigué. 2-3 autres qui savent pas quoi faire et un ou deux en se disant mais qu'est-ce qu'il veut. Il y a une espèce de silence de mort qui règne dans la rue, les gens savent pas quoi faire. Eh bien, Jacquard donc, va se rapprocher de cette ligne faite de façon assez anarchique et il va marcher très lentement en dévisageant chacun des personnes présentes, de la tête aux pieds, tous les examiner de la façon la plus longue et détaillée possible, sans lâcher un mot. Tu vois qu'à ce moment-là, les gens commencent à comprendre que t'es sérieux et que on n'est pas là pour rigoler. S'exécute et au fur et à mesure, t'as même d'autres gens qui commencent à les rejoindre. Et parmi eux, tu commences à reconnaître les têtes des gens que tu croises d'habitude, un peu les imitateurs qui eux aussi rêveraient d'une justice en ville. Au bout d'un moment, du coup, Jacquard va cesser son inspection et va se mettre face au milieu de la ligne. Et voici ce qu'il dit. Peuple de Saint-Chenil, les fléaux n'ont rien à faire de vous. Ils laisseront à jamais la brûlure, le meurtre, le vol, gangrénez votre quartier. Seule la spéculation et l'usure des néolibiens de Coragent les intéressent. Ils ne souhaitent qu'une chose pour vous. La servitude et la mort. À l'heure où je vous parle, l'orphelinat géré par les anabaptistes de la sacristie rouge a été attaqué. Aussi, une autre bande d'enfants, inspirée par l'œuvre de leurs aînés, se sont mis à former la plus grande bande de voleurs et de criminels de ce quartier. Même nos enfants ne sont pas en sécurité sous le règne de ces gens. Face à ce chaos, je viens vous proposer une alternative. L'ordre et la justice. Qui parmi vous n'a pas rêvé de vivre de son commerce honnête, de jouir des fruits de son propre travail, sans craindre sa perte, de vivre sans craindre le courroux des puissants. Nous devons débarrasser notre quartier de la racaille et des malfrats. Face à cela, une seule solution. La punition, la répression, la purge. Comment me direz-vous? Prenez en main vos affaires et rendez justice en joignant vos forces aux miennes. Certains parmi vous ont fait le choix d'être les premiers à rentrer dans cette lutte contre l'anarchie. Je les félicite, mais ils sont trop peu nombreux. Ils seront l'avant-garde, le fer de lance de la lutte contre le chaos. Je les entraînerai personnellement. Ils rendront justice et rétabliront l'ordre eux-mêmes. Et vous nous verrez. Vous nous aimerez. Vous nous haïrez. Mais vous nous rejoindrez. Et ils vous entraîneront. Et ainsi de suite. À ce moment-là, t'entends rire derrière toi. Un rire assez fort. Et en tournant la tête, tu aperçois la silhouette de l'apocalyptique qui se trouvait parmi la foule. Il applaudit. Et puis il dit « Décidément, j'avais jamais croisé le juge de ma vie, mais ça valait le coup d'œil. Écoutez, si jamais vous voulez quitter la rue, il n'y a pas 36 000 solutions. Rejoignez la nuée. Je suis sûr qu'il y a de belles femmes même à Saint-Chenil et que les maisons de la honte ne rechigneraient pas devant elles et leurs atouts. Et puis, vous savez, même les gosses, ça peut marcher maintenant avec les néolibiens. Non mais franchement, si vous voulez vous faire tuer par les fléaux, suivez ce guignol, mais bon... Vous perdez votre temps. Vous faites pitié. À partir de maintenant, à tous ceux qui ont fauté par le passé, je vous promets le pardon et l'amnistie. À tous ceux qui fauteront demain, je vous promets le fer. Refais-moi un test de charisme, leadership, et cette fois-ci, tu as 2D bonus. Donc, tu passes à 6D pour le roleplay. Donc, 3, c'est rien, hein, c'est ça. Hein. C'est pas un... Du coup, 3 selon les règles. 3 réussites. Ah oui, non. De 3, c'est... Non, c'est... Oui, si tu as un 3 sur un D, ça ne marche pas, non. C'est 4, 5, 6. Eh ben, c'est un échec critique. J'ai fait une réussite et j'ai 2-1. À ce moment-là, tu vois que les gens n'ont pas forcément l'air convaincus. L'apocalyptique dégaine une espèce de dague courbée et dit « Oh, mais je vais te la faire fermer, ta gueule !» Visiblement, il est vraiment énervé par ce que tu es en train de dire et il commence à se diriger vers toi et il essaie de t'asséner une espèce, il essaie de te planter. Ok. Est-ce que je peux réagir? Est-ce que je peux essayer d'esquiver? Est-ce que je voilà. Bien sûr. Est-ce que tu tentes de qu'est-ce que tu tentes de faire d'esquiver le coup, d'attraper la lame, je sais pas, avec ton bras robot? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais mettre en place? Est-ce que je peux donner un coup plus vite? Tu peux tenter, puisqu'il est à quelques mètres, tu l'as un peu vu venir, je vais te demander dans ce cas-là un petit deux test. Je vais te demander un test combiné à la fois psyché-réaction, où tu as 4 dés, suivi de body brawl, où tu auras 6 dés. Très bien, je vais tenter ça alors. Je vais tenter de lui donner... un énorme coup de masse avant qu'il me donne son coup de qualité. Ah, alors du coup, ce sera pas body ball, ce sera body melee, pardon. Mais c'est le même résultat en termes de dés. Ah non, tu as un dé en plus, pardon. Ce sera 4 dés et 7 dés. Ok. Alors, pour le premier jet, j'ai 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok. Et du coup, ça me fait 6 dés, je crois, pour le team test. Ou 5. Et l'autre, tu as 7 dés. 7 dés. Sachant que les déclencheurs vont se cumuler d'un test à l'autre. Bien... Regarde. 4 réussites, dont un déclencheur. Ok. Tu vois que tu commences, alors que tu le vois arriver, tu récupères ton marteau. Tu commences à essayer de le soulever de tout ton poids, mais malheureusement... Il est beaucoup plus vif et rapide que toi, évidemment, hein, la vitesse d'une lame comparée à la vitesse d'une masse. Il commence du coup à se jeter dans ta direction, c'est presque comme s'il se sautait en avant. Et au moment où il s'apprête à toucher, tu vois le scintillement du lame d'un seul coup sillonner l'espace entre vous deux. et Lilith qui tient une épée à la main, qui l'étale sur le sol, qui la lâche complètement d'ailleurs sous le poids, du sang le long de la lame, et le gars en question qui s'écroule par terre et qui commence à convulser en lâchant des insultes beaucoup trop violentes pour une petite fille de cet âge. Il l'avait pas vu venir celui-là. Tu vois qu'il commence en effet, tu vois, il va pas en mourir, hein, mais il est là, il est clairement pas bien en place. Pas en bon état. Et d'ailleurs, quelques minutes après, il y a un des gars, enfin la foule commence à se réunir autour, là, et les gens commencent même à faire des cris un petit peu, t'as la foule qui est choquée par ce qui vient de se passer. Et il y a un gars qui dit, mais je le reconnais lui. Et il pointe donc l'homme au sol. Il y a de ça 6 mois, il a pénétré dans une ruine avec quelques gars à lui, et ils s'en sont pris... Ils s'en sont pris à une femme sans défense. Je comprends mieux pourquoi il était contre vous. Et à ce moment-là, il y a une autre voix de l'autre côté de la foule qui dit « Moi aussi, je l'ai vu, il a tenté d'agresser ma fille il y a quelques semaines. Heureusement que des mendiants ont débarqué et... Il a fui à 4 contre 1, mais sinon, je veux même pas imaginer ce qu'il aurait fait. » Lui, tu vois, en fait, il est en train de se dandiner, il a mal, il crache un peu aussi par terre, je sais pas trop pourquoi. Et en fait, en se dandinant, tu sais, il fait un peu des tours sur lui-même au niveau du sol. Il tente notamment de mettre la main sur la lame qui traîne par terre, en tout cas, tu le remarques du coin de l'œil. Là-dessus, donc, Jakar, il va essayer de l'attraper par les vêtements. Bon, sans aucun mal. Tu le traînes, tu vois, il y a ses doigts qui touchaient presque le fil de l'âme, et il est tiré en arrière d'un seul coup. Alors, de souvenir... Il y avait un espèce de puits. Non, il y a quoi? Il y a mon puits, il y a un truc, je sais pas, non, il y avait un espèce de quelque chose qui surmontait un petit peu la place, un peu en hauteur. Ouais, t'as un vieux puits qui est pas loin. Ouais. Il a pour réputation d'être asséché, mais il est pas condamné pour autant. Ok. Et bah, du coup. Oh, je sais. Donc, Jakar va traîner le gars jusqu'au puits. Mm-hmm. Il va passer sa tête sur le rebord du puits. Tu vois qu'il commence à dire « Mais putain, enfoiré, qu'est-ce que tu fais? Mais déconne pas, merde !» Donc, là, il va regarder Lilith et il va faire « Tiens-le !» Tu vois puis qu'elle approche et qu'elle essaie de le choper. Lui, il commence à se débattre avec ses mains, il commence à donner des coups en arrière. Et là-dessus, il va se tourner vers la foule et il va dire « Tu ne tueras point !» Et là, énorme coup de masse sur la tête du mono. Tu lui donnes un énorme coup de masse, tu vois la tête exploser et le visage de Lily se faire asperger de sang et de morceaux de crâne. Elle est recouverte. Il y a un silence de mort sur la place et juste après tu vois un gars qui commence à crier mort aux agresseurs, et puis il y en a un autre qui dit un truc un peu similaire, sus aux apocalyptiques. Bon, bah, du coup comment vous appelez? Appelez-moi juge. Quelle est la marche à suivre? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Suivez mes pas. Et là-dessus, on va s'en aller. Ok. Tu leur disais ça métaphoriquement ou... Oui. Oui. Oui, faites comme moi plutôt. Non, arrêtez de me suivre, je vous dis. La maman canard qui va s'emballer tous les malades du coin. Parfait. Eh bien, je vous propose de faire une mini-ellipse et nous retrouver au niveau de la digue où se trouvent cette fois-ci d'autres mendiants, dont un plus grand avec un masque de fer pour cacher son visage. À ce moment-là, nous avons Flux. Et si vous avez décidé de le suivre, Lito et Toric. Et si vous avez décidé de les rejoindre, Jakar et Lilith, qui a remis son pyjama par le dessus à laquelle elle a enfilé d'autres vêtements pour essayer de rendre ça un peu passable. Et qui a les cheveux encore mouillés puisqu'elle vient de se laver entièrement le visage. Vous êtes là, au niveau de tous ces mendiants et de ce qui semble être le roi des gueux. Il ne parle pas. Enfin, vous entendez les quelques messes basses auprès des mendiants. Toi, Jakar, tu commences à reconnaître certains. Mais le roi reste muet. Simplement, il vous fait un grand signe de la main pour vous indiquer d'avancer. J'obéis. Vous voyez qu'il a l'air vraiment très très grand. Mais étonnamment immobile. Comme ça, on dirait presque qu'il a la stature un peu d'une machine de Hamsumo ou d'un truc un peu mystique, comme ça. Allez-y, vous pouvez parler, dit un des mendiants qui se trouve à côté. Vous avez le soleil chaud de l'été méditerranéen qui vous tape sur la tête, vous transpirez un petit peu. Heureusement, vous êtes près des côtes et donc vous avez un vent un peu frais pour calmer tout ça. Mais du coup, à vous de me dire ce que vous faites dans ce contexte-là. Je salue, j'opine de la tête et s'il ne prend vraiment pas la parole, je la prends. Voilà. Ok, vas-y. Eh bien, enchanté, roi des gueux. Il me semblait que vous vouliez me rencontrer, alors... Me voici. Tu le vois légèrement incliner la tête. Mais ne dis rien. Les mendiants vous regardent. Vous regardez les mendiants. Excusez-moi, mais... Moi, je regarde un peu... on est venu pour... échanger ou pas? Enfin... Pour nous rencontrer. Nous sommes ravis de vous rencontrer, roi des gueux. C'est un honneur de faire face à celui qui est l'autorité dans ces bas-fonds. Maintenant, je ne sais que trop dire quoi dire vraiment. Aucune réponse non plus. Moi, personnellement... que vous regardez, vous le voyez bouger un petit peu. Il semble écouter ce que vous dites, mais ne répond pas. C'est alors que vous êtes coupé par une espèce de bruit métallique juste derrière vous. Et que vous entendez le bruit des fléaux et des armures qui s'entrechoquent avec un pas assez frénétique se diriger vers vous. En vous retournant, vous voyez plusieurs des gardes de la ville qui commencent à débarquer. Mais visiblement, ils n'en ont pas après vous, car ils vous dégagent mécaniquement du chemin de leurs bras et commencent à fondre sur les mendiants, les capturer, les jeter contre le sol. Enfin, on vous tient. À ce moment-là, une voix retentit derrière et vous voyez celui qui semble être leur chef, dont on ne voit pas le visage, comme la plupart des fléaux, ce dernier est masqué derrière un masque. Celui-ci fait plus masque de guerre. Il a son casque bleu et son armure mêlant gilet pare-balles, renfort en acier et fourrure de créatures telles Yen et Gendos. Ça va faire un moment qu'on essaie de mettre la main sur vous. À ce moment-là, vous entendez un des mendiants dire c'est le limier, c'est lui. Le limier, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous savez que c'est un des membres de la famille d'Hamza qui, comme tous les membres de la famille d'Hamza, occupe des postes à responsabilité dans la ville. Et lui, le sien, c'est probablement celui d'être le chef des fléaux. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il se dit à ce moment-là, il se retourne dans votre direction. Vous voyez qu'il est assez baraqué, que les gars derrière lui n'ont pas l'air de déconner non plus. Ils sont combien? Ils sont une bonne dizaine. Clairement, ils n'ont pas l'air d'avoir envoyé toute la garnison parce qu'ils étaient pas, ils savaient que les gars à leur face n'allaient rien faire. Mais c'est juste que symboliquement, ils n'aiment pas qu'il y ait un gars qui s'autoproclame le roi de quelque chose dans une ville qui leur appartient. Alors même si c'est Saint-Chenil et que Saint-Chenil, d'habitude, on s'en occupe pas. Peut-être qu'ils avaient rien à faire de leur après-midi et que valait mieux débarquer. D'ailleurs, derrière, vous entendez une voix qui dit « Je suis désolé. » Et attrapé, tenu par les bras par deux fléaux, vous reconnaissez la silhouette, pour ceux qui l'ont vu, d'Elias, qui a le visage en sang, qui s'est fait tabasser complètement et qui visiblement a dénoncé la position du roi des gueux, qui reste complètement impassible face à cette situation. Il a juste fait un pas en avant, mais un petit pas. Non. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde mes amis. Oui. À la question, qu'est-ce que vous faites là? Je réponds. Actuellement, là, on est en train de se faire ruiner notre enquête. C'est Hamza qui va être content. Très bien, on lui en fera part. Bon, bougez pas, on a quelques affaires à régler. Rien de bien compliqué, mais restez en dehors de mon chemin. Il se dirige vers le roi des gueux. Tu es cerné, rends-toi. Et même d'un seul coup, il semble épris d'une espèce d'accès de violence et lui fout une énorme tarte. Et vous voyez le roi des gueux s'éclater au sol dans un bruit tonitruant avec le masque qui part sur quelques mètres. À ce moment-là, vous entendez 2-3 fléaux qui font « Hein ?» Et vous voyez le roi des gueux se séparer en deux. Et alors que l'un d'entre eux tire un peu sur le vêtement, le grand vêtement ample dans lequel il était habillé, espèce de gros manteau haillon, vous remarquez la silhouette de deux mendiants, un petit et un plus grand, l'un étant assis sur les épaules de l'autre, deux vieillards tout maigres qui du coup prenaient la place du roi des gueux. En gros, il est pas là, quoi. Clairement, un bouillou a pas l'air d'apprécier la situation actuelle, s'énerve et commence à donner des gros coups de pied dans l'un d'entre eux, pas non plus pour jusqu'à le tuer, mais il se défoule un peu sur ce dernier. Je me pousse, moi. Je les laisse faire. Il se retourne vers vous et fait « Vous, là, qu'est-ce que vous avez appris ? C'est quoi ?» Ils auraient avec un trafic de... Moi, je tiens juste à indiquer du coup que je profite de la discussion pour vraiment m'intercaler entre lui du coup et, okay, et les deux au sol. Ils auraient un lien entre le trafic de l'aide de change qui a lieu et voilà. De toute évidence, on s'est foutu de notre gueule. Alors à ce moment-là, il se retourne vers l'autre, Elias. Vous en avez besoin de celui-là aussi ou vous nous le laissez? Comment il s'appelle? Elias, on en a besoin. C'est lui! Fais-moi un petit test. On l'embarque! Okay. Putain, mais non! De charisme... Non, de psyché... non, on va dire... charisme, négociation ou leadership, dans tous les cas, t'as 4D. Ok. Oui, non, c'est un cinquième bonus. C'est un beau move, parce que si tu réussis, c'est bon pour nous. En gros, c'est 4 réussites et un déclencheur. Ouais, c'est bon alors. Il nous faut. Tu vois qu'ils étaient prêts à les passer à tabac. Clairement, on s'est foutu de leur gueule et on les a rencardés vers un faux rendez-vous. Ils en ont un peu rien à foutre hein, du roi des gueux, ça représente pas une menace quelconque. Mais ils apprécient pas qu'on se foute de leur gueule. Ils ont quand même une réputation à tenir en ville. Le gars, ils étaient prêts clairement à lui faire la tête au carré sur la place publique. Mais tu sembles relativement convaincant et tu vois que Ayoubou a pas l'air d'avoir envie de se mettre dans les histoires avec des intermédiaires, avec Hamza, etc. En tout cas, je vous laisse. Vous pouvez dire à Hamza que notre enquête avance et qu'on. Là, on a une piste à part celle-là, mais on va sûrement revenir dans les semaines au moins, enfin, à venir pour lui faire un compte-rendu de notre enquête. Mais on va bien s'occuper de ce gars-là, vous inquiétez pas. N'est-ce pas ? Et là, je lui donne un petit coup dans les côtes. Tu lui fous un coup dans les côtes, et justement, en plus, il allait te demander de prouver ton bord. Et bah écoute, ça suffit. Tu vois qu'à ce moment-là, il le jette au sol, il se reprend quelques coups, tu vois qu'il a des bleus partout, il s'est fait tabasser. Il a. Honnêtement, c'est un miracle qu'il ait pas perdu une dent dans l'opération. Tu les vois qui commencent à repartir. Il y a un des gars qui lève un peu son masque l'espace d'une seconde et qui crache au sol en partant. Et à un moment, il part derrière un qui se retourne vers Lilith et qui fait « Je te connais, toi, non ?» Je vous ai déjà vu quelque part. Oui, elle est de la sacristie rouge. Ok. Il s'en va. Alors qu'ils commencent à partir et que les mendiants se rassemblent, ils commencent à tous se jeter vers Elias, essayer de voir comment il va. Il a à moitié perdu connaissance, ils lui mettent des petites claques pour essayer de le réanimer. Toi et Flux, est-ce que j'imagine que t'aides un petit peu, en tout cas tu les vois qui tendent la main pour l'aider à relever les deux autres mendiants? Je suis mis à côté d'eux, donc je les aide à se relever, je regarde un peu comment ils sont. Je demande à Torik de venir m'aider. Oui, voilà, je fais les soins qu'il y a besoin. Évidemment. Et alors que les fléaux s'apprêtaient à partir, vous voyez une silhouette arriver en courant au loin. Un autre fléau, un petit jeune. Et vous l'entendez crier, vous entendez sa voix qui porte... Capitaine, capitaine, capitaine! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, il est vénère. Il est clairement de mauvais poil. C'est les mordants, capitaine! Ils ont envahi les entrepôts sur les ports! Regardez! Et il commence à pointer du doigt au niveau de la, la baie. Et vous voyez, partant du port et effectuant une petite traversée jusqu'à Port-Lagagne, Les Ferrailles et Saint-Chenil, plein de caisses qui flottent et qui sont un peu transportées par la marée descendante. Et vous commencez à comprendre que tout ceci semblait être une gigantesque diversion auquel visiblement vous avez pris part malgré vous. Dans l'objectif de réduire la sécurité présente au niveau du port et des casernes. Qu'est-ce que vous faites face à cette situation qui commence à vous dépasser de plus en plus ? Moi j'ai un petit sourire, genre on s'est fait encore avoir, enfin genre gentiment, parce que bon, on sera pas tenu pour responsable, puisqu'on y est autant, quelque part pour les fléaux, on est autant victime que eux. Mais bon, voilà quoi. Moi j'ai un grand sourire, mais ça se voit pas. Donc, mais je rejoins Torik, je suis en mode parfait. Et je continue à traiter du coup les mendiants, à voir comment ils vont, etc. etc. quoi. Et il est toujours là, Elias, ou pas du coup? Elias, commence à se redresser. Il commence à reprendre un peu connaissance. Et ouais, ils vous remercient de l'aider. Et puis d'ailleurs, il vient de voir Aflux et il dit désolé de vous avoir mené en bateau ce matin. Il n'y a jamais eu de rendez-vous de planifié. Voilà. Il n'y a pas de mal. Hein. C'était amusant. Malgré tout, j'ai particulièrement apprécié vos réponses. Elles étaient assez intéressantes et... Et j'apprécie la réaction que vous avez eue face au fléau tout à l'heure. Avec plaisir. Mais oui, de toute façon, on aurait été prêt à intervenir, n'est-ce pas? Évidemment. Et oui, vous l'avez déjà fait. Et je prends l'accent toulonien un peu. Eh bien, on dirait que nous avons trouvé une certaine phase d'entente. Pour le prochain rendez-vous, alors. À ce moment-là, Elias simplement s'empare de l'espèce de masque de métal qui traînait. Et comme vous l'avez bien évidemment compris, commence à le placer au niveau de son visage, récupère le manteau qui traîne, et il vous dit assurément. Lui et les autres mendiants, du coup, commencent alors à disparaître. On vous recontactera d'ici peu. Est-ce que vous souhaitez pardon, faire quoi que ce soit de particulier? Vous regardez partir et retrouver mes compagnons en musée. Très bien. Vous dirigez en direction de la sacristie rouge et vous commencez à y passer la soirée. Une soirée assez sombre. La nuit envahit les avenues de Toulon. Et une panne d'électricité dans les ferrailles, comme il peut en arriver de temps en temps, plonge la ville également dans une espèce de blackout total. Vous savez que généralement, ça prend pas plus d'une heure. Vous vous contentez donc du feu allumé au centre de la pièce. Vous voyez la fumée partir... par une des ouvertures, une des brèches dans l'un des vitraux que vous avez pour habitude de rembarrer avec des plonges de bois une fois le feu éteint. De toute façon, les nuits commencent à être de plus en plus chaudes, alors en réalité, des feux, vous en faites plus beaucoup. Vous discutez un petit peu de tout ce qui s'est passé récemment, de vos missions, de vos avancées personnelles, de Mokosh. L'élite semble... prendre de plus en plus part aux discussions d'ailleurs. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans cette ville. Je pense qu'on est capable de changer certains trucs. En réalité, quand je vois déjà les changements au niveau de l'orphelinat, ça a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Maintenant, je suis un peu méfiante. Vous avez réussi à duper les fléaux aujourd'hui, mais... Comment est-ce qu'on fera si jamais ça commence à se reproduire comme la dernière fois, à partir en vrille et à ce qu'on perde le contrôle? Personne ne lui répond. Bien. En voyant le silence, je vais simplement dire je pense que c'est les risques du jeu. On est là pour ça. On a toujours risqué nos vies. pour des ordres, pour changer les choses, et des fois ça tourne mal, des fois on y arrive. On a quand même plus de victoires que de défaites, donc je pense qu'il faut rester confiant. Mais c'est bien d'avoir des doutes. Donc, sois prudente, mais ne perds pas espoir non plus. Elle acquiesce et puis elle mange dans son assiette. Et vous ignorez s'il s'agit d'une coïncidence avec le fait que la ville est aujourd'hui un peu plongée dans les ténèbres. Mais quelqu'un toque à nouveau à la porte de la sacristie. Comme d'habitude, en fait. Il se passe pas une semaine sans que quelqu'un d'autre, une nouvelle tente, vienne toquer à la porte de la sacristie. Alors, vous avez Gérard l'anabaptiste qui se charge d'aller ouvrir. Lui qui est pas toujours très présent, il est là ce soir en particulier. Il ouvre et devant vous, vous avez la silhouette d'une personne avec une espèce de grande cape et un turban tout autour du visage. Lorsqu'elle le retire, vous y voyez le visage d'une femme. Flux, tu connais cette femme? Il s'agit de Mirage. Elle est accompagnée d'autres personnes, des silhouettes qui se détachent un petit peu de la nuit, juste derrière. Qui en font de même, et vous partez du principe qu'il doit s'agir des autres chroniqueurs cachés en ville. Il faut qu'on parle. Ouais, déjà, je me lève directement dès que je la vois et... Mais c'est fou de venir ici! Vous inquiétez pas. On a perdu la connexion avec Afflux récemment, on va avoir besoin d'un peu d'aide pour retravailler tout ça. Mais aussi, il faut qu'on commence à parler de certains détails techniques et de la planification des choses à venir. D'ailleurs, au moment où elle commence à s'avancer vers vous, accompagnée de ses hommes, ils rejoignent un petit peu le petit comité que vous formez au centre de la sacristie. Même Lilith est malheureusement un peu chassée et mise de côté. Mais bon, vous comprenez aisément les raisons derrière tout ça. Elle n'est pas dans la confidence et donc... elle n'a pas à être présente pendant la discussion qui est en train d'avoir lieu. On n'a pas de temps à perdre, on a profité de la coupure de courant pour venir vous voir. Suivez-nous. Très bien.